La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que les robots nous apprennent sur nous-mêmes ? Chères auditrices, chers auditeurs, comme moi, sans doute, vous êtes agacés chaque fois que vous recevez un email par lequel il vous est demandé de prouver que vous n'êtes pas un robot. Vous devez alors taper pour montrer votre totale humanitude un code composé de chiffres et de lettres qui figurent dans le corps du message. Mais si ces tests existent, c'est justement parce que les robots envahissent notre monde de plus en plus, changeant nos vies, jouant des rôles inédits ou autrefois joués par des humains. Entre eux et nous, y aura-t-il concurrence ou complémentarité ? Dans l'une de ses brèves de comptoir, Jean-Marie Gouriot faisait dire à un personnage « Il ne faut pas que le robot soit trop intelligent, sinon il voudra rien foutre ». Sans doute est-ce vrai, mais cela sous-entend que si les robots devenaient aussi intelligents que d'aucuns l'annoncent, ils se mettraient à vraiment travailler, peut-être nous remplaceraient, peut-être nous domineraient. Nous savons que l'intelligence dite artificielle bat l'intelligence humaine dans certains secteurs très spécifiques, ou dans certaines activités très particulières comme le jeu d'échecs ou le jeu de Go. En d'autres termes, le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons pas prétendre que nous ne le savons pas. Dès lors, pourrions-nous être tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie et de nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient choisir et décider à notre place ? De façon plus générale, qu'est-ce que les robots, surtout s'ils sont humanoïdes, nous disent de nous-mêmes, de notre intelligence, de nos émotions, de notre rapport aux autres, de notre humanité ? Un devenir robot de l'humain est-il en cours ? Ou bien n'assistons-nous qu'à un modeste devenir humain des robots ? Pour en discuter, j'ai invité Laurence de Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à la Sorbonne en informatique appliquée et chercheuse au CNRS, au LIMSI. Le LIMSI, c'est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Et vous avez publié en 2017 un livre intitulé « Des robots et des hommes ». Alors j'ai une première question, Laurence de Villers. Qu'est-ce que c'est qu'un robot ? Qu'est-ce que les robots partagent comme fonctionnalité commune ? Est-ce qu'ils ont une définition ? Oui, je pense qu'il faut commencer par les définitions, effectivement. Donc, un robot en va embarquer un certain nombre de modules d'intelligence artificielle. Mais pas seulement, c'est une représentation physique qui embarque des techniques de mécatronique pour bouger, avancer, faire que le robot puisse prendre des objets, etc. Mais ce qui est intéressant, ce sont des plateformes en fait complexes dans lesquelles on va associer des capacités cognitives de perception, de raisonnement et d'action dans notre monde réel. D'autre part, on leur ajoute aussi la capacité d'apprendre. En ce moment, c'est un grand sujet, l'apprentissage des machines. Et puis, on va aussi leur donner la capacité de dialoguer, de converser avec nous. Et c'est le principal sujet de mes recherches, le dialogue homme-machine. Donc, il doit être couplé à l'environnement, être capable d'analyser les informations qu'il reçoit et ensuite de rétroagir à partir de ces informations sur l'environnement lui-même. Voilà. Et c'est en cela qu'il est extrêmement intéressant parce que toute la complexité est là. Ce qu'on sait faire, en fait, de façon très performante, comme vous l'avez dit, avec de l'intelligence artificielle faible pour reconnaître des formes, en dehors de la réalité, sur des corpus qui ont été collectés sur Internet, par exemple, des photos, etc., est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait faire dans notre environnement 3D parce que les choses sont cachées. Par rapport au jeu de Go, par exemple, où la machine a été meilleure que les humains. D'ailleurs, la machine avec des humains a été meilleure qu'un des champions de jeux de Go, par exemple. Eh bien, là, tout est connu dans le jeu. Même s'il y a un nombre incroyable de possibilités de jouer, toutes les possibilités sont connues. Aucun inconnu de pièces à poser. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'événement inattendu. Voilà. Et c'est en ça qu'on est très forts, nous les humains. On sait gérer, s'adapter à des situations inédites. Mais je me souviens d'une scène où on voyait Garry Kasparov qui était battu au jeu d'échecs, cette fois par Deep Blue, l'automate, si on peut dire, d'IBM. Il était furieux et il accusait la machine d'avoir mal joué aux échecs. Et oui. Il a dit, si cette machine jouait comme il faut aux échecs, je pourrais la battre. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que on a dit, pareil pour le jeu de Go, qu'il y avait des coups magiques. des goûts que l'humain ne pouvait pas anticiper, voilà, ou imaginer dans son repère à lui. Et donc moi j'ai rencontré Fan Hui, jeune champion de Go d'origine chinoise, qui a entraîné la machine chez Google DeepMind, hein, ce fameux AlphaGo. Et donc je lui demandais, est-ce que vous avez vu les traces du robot dans ses meilleures parties ? Et oui, il avait eu la chance de regarder ces traces qu'on appelle des logs. Et il m'a dit la chose suivante. En fait, le robot allait plus loin que moi dans l'arbre des possibilités. C'est-à-dire que d'anticipation de coups, il était à 63 coups d'anticipation sur un objectif au départ de possibilités très large. Et je lui ai dit, vous, en tant qu'humain, qu'est-ce que vous avez comme anticipation, comme nombre de coups que vous pouvez anticiper ? Et il m'a dit 50, ce qui est déjà énorme. Alors, quelle est votre spécialité, Laurence de Villers ? J'ai dit que vous étiez spécialiste d'informatique, mais vous n'êtes pas roboticienne, au sens premier du terme. Vous vous intéressez aux émotions. Quel rapport entre les robots et les émotions ? Oui, vous avez raison. En fait, mon secteur de recherche, c'est plutôt le langage, la modélisation du langage à travers le dialogue. Donc, mes premiers travaux dans les années 92, c'était par exemple avec des réseaux de neurones de travailler sur la reconnaissance de la parole, la détection des phonèmes, des sons de la langue à partir des signaux vocaux. Et puis, j'ai travaillé sur les systèmes de compréhension, de dialogue. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur des corpus qui étaient des corpus de vraie vie, d'où les gens parlaient au téléphone, mais effectivement, il y avait des émotions dans la voix. Du coup, je me suis dit, le système qu'on est en train de mettre en face ne saura jamais prendre en compte ces inflexions de voix ou cette façon de prononcer les mots, qui veulent dire peut-être le contraire de ce qu'il a énoncé dans le contenu linguistique. Du coup, il faut absolument travailler sur ce sujet. Donc, travailler notamment sur le sens caché des certaines phrases, le double sens, le second degré. Oui, alors sans aller aussi loin, hein, parce que ce sont des machines qui sont quand même sur la surface de l'expressivité et non pas sur la compréhension fine, où c'est très très bête. Mais on a quand même rajouté donc des niveaux d'interprétation, si vous voulez, du son, pour savoir si la personne était contente, pas contente, stressée, si elle répondait pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la paralinguistique, c'est ce qui va entourer le message linguistique qu'on utilise tous les jours à forte dose entre deux personnes qui se font face à face. Il y a aussi ce partie non-verbale, hein, avec des gestes, le visage va exprimer beaucoup. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'audio principalement parce que dans les call centers, je n'avais accès qu'à ça. Et par ce canal, on laissait passer beaucoup d'informations. Quelqu'un qui vous dit « cette machine est complètement stupide !» et la machine dit « je n'ai rien compris ». Bon, écoutez, au bout d'un moment... Ça, c'est énervant quand la machine réagit poliment à une voilà, insulte. Voilà, il ne comprend rien, donc on se dit « bon, alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rendre ces systèmes... » Mais d'ailleurs, est-ce que vous comprenez pourquoi on s'énerve quand une machine ne remplit pas sa fonction ? On peut l'injurier ? Ça dit quoi de nous ? Oui, ça c'est le deuxième jeu, en tout cas, autour de la créativité de ces machines, c'est que, de façon très naturelle, l'humain anthropomorphise la machine, lui prête des capacités humaines. Et ça, des chercheurs très connus à Stanford l'ont bien théorisé autour de quelque chose qui s'appelait la média-équation, qui est que lorsqu'on discute avec une machine, lorsqu'on interagit avec elle, on va lui prêter des capacités humaines. Et pour autant, c'est ce qu'on voyait, nous, dans les systèmes, plus on les améliorait, plus la personne s'adaptait, en fait, au niveau de langage. Et plus elle demandait plus. Donc, on a cette faculté tout à fait normale qui est liée, en fait, à notre intelligence collective. On est des animaux sociaux, on a besoin de travailler dans l'interaction avec les autres. Et cette machine qui est en face de nous, on va l'associer, on va lui prêter beaucoup plus qu'elle n'est. Là, il y a un vrai bluff en ce moment. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Sophia de Hanson Robotics qui est présentée à l'ONU et qui tient un discours devant des politiques... C'est une marionnette téléopérée. Ou c'est une marionnette avec un script. Hein, lisez un peu ce que dit Yann Lequin, d'ailleurs, dessus, qui dément bien ça. Donc, si vous voulez... Donc, on fait croire que c'est un robot, alors que ce n'en est pas un. C'est un robot qui a appris un texte. Mais qui est complètement programmé, donc il n'y a aucune initiative. Quasiment. Donc, elle ne comprend rien, en tout cas, à ce qu'elle dit. Absolument rien. Et c'est ça le bluff, parce que, en fait, la synthèse, c'est-à-dire la génération de phrases émotionnelles, etc., est assez simple. Bah, c'est un sujet de recherche aussi, mais disons que c'est plus facile d'arriver à une performance intéressante que la reconnaissance des intentions dans la voix ou même dans le comportement multimodal. Un robot vocal, c'est ce que vous appelez un chatbot, c'est ça ? Alors oui, robot veut dire qu'il y a une présence physique. Après, on parle de bot, et chat veut dire discuter, chat. Chatter avec quelqu'un, c'est discuter de façon sociale, de tout et de rien, pas forcément demander une information à une base de données. Et donc, les chatbots, ce sont ce qu'on appelle des agents conversationnels qui peuvent être embarqués dans des robots. Et nous, chercheurs, l'intérêt du robot... Ou dans simplement des téléphones. Pardon ? Ou dans tes téléphones portables. Ah oui, oui, moi je travaille à la fois sur le téléphone, sur l'agent conversationnel qui est sur un écran en deux dimensions ou en 30 dimensions sur un ordinateur, ou bien soit dans un hologramme, ou bien dans un robot. Après, c'est assez différent parce que la perception des gens va être différente. Mais on va trouver dans Her, par exemple, dans le film, c'est qu'une voix qu'on entend. Et pour autant, cette voix a un impact fort sur la personne. Donc, il y a une dissymétrie, si vous voulez, dans ces machines, entre ce qu'elles laissent entendre et ce qu'elles comprennent vraiment. Mais elles comprennent rien. Oui, ben, elles comprennent à partir d'une ontologie qu'on a donnée. Elles vont associer des concepts parce qu'un ingénieur a mis un certain nombre de concepts. Donc, votre travail, c'est plutôt de comprendre comment se fabriquent les émotions, comment elles se transmettent. Est-ce qu'il y a une définition de l'émotion par rapport à la définition qu'on donne de l'intelligence ? Qui a une capacité à s'adapter, à gérer des informations, à créer des concepts. L'émotion, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut parler d'une intelligence émotionnelle, par exemple ? On parle effectivement du quotient émotionnel, hein, qui est un autre quotient que le quotient intellectuel, qu'on peut mesurer par des tests et qui a été introduit par des chercheurs américains dans les années 97, par là. L'affective computing, ce domaine dans lequel je travaille, qui porte sur trois grands axes technologiques, détecter les émotions, intégrer ces informations émotionnelles dans les dialogues, donc raisonner grâce à ces informations aussi, et générer des phrases émotionnelles ou des comportements émotionnels, genre je vous aime, vous êtes formidable, eh bien c'est une technologie, enfin un grand champ de recherche qui est né dans les années 97 des travaux du MIT par Rosalind Picard. Je continue à travailler avec cette communauté de chercheurs qui est interdisciplinaire. Donc on travaille des philosophes, des psychologues, des neuroscientifiques sur tous ces aspects. Et j'aime bien m'attacher à une définition. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de définitions. Suivant les domaines, les disciplines, en fait, en sociologie, on va trouver une certaine définition, en neurosciences, une autre. Je vais vous donner quelques pistes. Antonio Damasio, neuroscientifique américain, dit par exemple « On ne peut pas être rationnel sans émotion ». Klaus Scherrer, qui est psychologue à l'Université de Genève, qui a fait toute sa carrière en fait sur les émotions et sur les indices qu'on trouvait dans la voix, les gestes, les indices faciaux, dit voilà, les émotions, ce sont des processus dynamiques qui sont renseignés par un grand nombre d'évaluations de son environnement et qui est fait dans un temps très très court. Donc il a un modèle qui s'appelle le modèle d'évaluation, le Prezel Model, qui dit que on va juger déjà de la familiarité, de est-ce que ça va dans nos buts, une émotion, est-ce que c'est facile à gérer pour nous, et est-ce que ça répond à nos valeurs morales et aux valeurs morales de la société. Donc son modèle est extrêmement complexe et répond à un grand nombre de strates différents dans la cognition, perception, raisonnement et même valeur morale. Maintenant, j'aime bien aussi son définition qui est de dire c'est une expressivité extérieure par les gestes, une action, par exemple je m'enfuis devant un serpent parce que j'ai peur, et puis c'est un sentiment qui lui est caché, il est interne. Donc quand je dis qu'une machine interprète mes émotions, elle ne lit que la surface. Donc elle peut lire mon expressivité, elle peut regarder dans mes yeux, maintenant on sait lire le rythme cardiaque, mais elle peut voir si je rougis, elle peut voir si je fais beaucoup de gestes. Elle peut voir comment votre corps traduit vos émotions sans avoir accès aux émotions elles-mêmes. Exactement. Donc l'être humain est tout sauf uniquement ça. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les émotions complexes. Donc ça veut dire que si vous mimez des émotions, la machine ne comprendra que ce qu'elle s'en trompe. Vous pouvez la tromper. Exactement. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur des situations émotionnelles avérées, donc pas sur des corpus de données actées par différents que les chercheurs utilisaient beaucoup. Hein. J'étais faire des écoutes dans des call centers sur l'urgence, et j'ai beaucoup travaillé sur ces données-là pour me rendre compte que on a plusieurs émotions en même temps. On peut être à la fois rassuré parce que quelqu'un vient vous aider et en même temps et d'avoir terriblement peur parce qu'il se vit un drame autour de nous. Et ça, c'est en même temps. De la même façon que la mère peut gronder son enfant parce qu'elle doit le gronder pour son éducation et en même temps, dans son fort intérieur, rire d'une situation. Donc, voilà, on a eu des émotions, des humeurs, des dispositions affectives. C'est un champ extrêmement large et les machines, à l'heure actuelle, simplifient énormément ce sujet. Et pourtant, peut-être s'agit-il de bluff là encore, mais on parle beaucoup de l'empathie que pourraient acquérir les machines. En quoi l'empathie se distingue-t-elle d'abord de la sympathie ? Dans votre livre, vous faites une distinction radicale entre les deux. Enfin, radicale, pas vraiment d'ailleurs, mais... Bon, c'est, l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. C'est lié à des théories, les neurones miroirs ou la théorie de l'esprit, qui est que je peux lire à travers votre façon de réagir, dans quel état émotionnel vous êtes, et vous dire que je le comprends, soit en le mimant moi-même, en étant une réplique, en fait, un miroir de vous, ou en compatissant. Donc cette empathie, c'est ça. Et c'est un pouvoir énorme dans la société, qui permet de convaincre, ça permet d'aider les gens, ça permet de créer ce lien entre nous. Les machines sont capables de simuler ça, et bien entendu, elles n'ont aucune valeur morale, ni capacité de solidarité. Donc quand on parle d'intelligence, on ne faut pas la restreindre au quotient intellectuel. C'est assez simple de voir que c'est une partie de notre intelligence qui est computationnelle, de mémoire, de capacité, donc de peut-être abstraire aussi les choses, mais qui reste une partie. Mais est-ce que ça vient pas en partie du fait que le mot intelligence en anglais n'a pas exactement le même sens qu'en français ? Oui, sûrement que effectivement on a. En français, on l'a, c'est plus large, ça inclut le sens commun. Exactement, par exemple. Exactement. Le bon c'est sens. Tout à fait ça. C'est vrai aussi pour l'informatique. L'informatique est un outil d'un côté. Et au contraire une discipline de l'autre. Donc on n'a pas les mêmes acceptations de ces mots, ni intelligence, ni machine, ni ordinateur. Est-ce qu'un jour les musiciens seront remplacés par des robots ? On commence à voir des œuvres faites par des machines. Il y a une certaine créativité dans la machine qui est très liée à une reproduction, un mélange de genres. Vous pouvez faire une musique qui serait un mélange de Mozart et des Beatles. Voilà, on pourrait s'amuser à faire des choses. Alors, la réussite de ça, le beau qui naît d'une œuvre, qui va juger ? C'est pas la machine, ce sont les humains. Pour certains humains, ce qu'aura fait la machine pourra avoir un intérêt, pour d'autres non. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intentionnalité. Mais je vous propose que nous écoutions un morceau de Miles Davis qui était, je crois, tout sauf un robot. De Villers, Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud, inimitable, improvisation pure. On est loin des robots là. C'est vraiment ça le message, effectivement. Et puis il y a cet ensemble d'émotions. On voit Jeanne Moreau errer, elle a peur, elle est anxieuse, elle est dans un état terrible toute la nuit à hanter les rues, en ne sachant pas ce qui se passe, ne sachant pas si son amant est sauf ou non. Donc c'est une scène de meurtre, c'est tout un thriller extrêmement bouleversant, émotionnel, où Jeanne Moreau était extraordinaire. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une voix artificielle ? Oui, c'est le cas de Her, qu'on a vu dans la science-fiction. Après, moi j'irai plus loin, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de faire beaucoup de choses avec les voix. Donc, comme je l'ai dit, dans les émotions, on va chercher des inflexions dans la voix qui sont liées à la prosodie, donc à l'intensité, au timbre et au rythme, principalement. Mais on peut aller chercher beaucoup d'informations, et avec le deep learning, avec ces approches d'apprentissage machine, on va chercher plein de choses que nous ne percevons pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est là où l'ordinateur est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'une voix artificielle, dopée par ces techniques, pourrait être plus séduisante qu'une voix humaine ? Vous le voyez dans l'autre sens, oui. Oui, sans doute, c'est l'implication de ce que je viens de dire. Mais dans le premier sens qui est de détection, on le comprend très bien. Notre oreille interne n'entend pas les basses fréquences ni les très hautes fréquences. Quand on vieillit, le spectre se réduit. Or, la machine, elle entend tout. Elle entend le formant 7, elle entend, pour les spécialistes, signaux, alors que nous ne l'entendons pas. Alors certes, la voix humaine est faite pour qu'on soit compréhensible dans la bande de fréquences que l'on entend. Mais il y a quand même des tessitures de voix très fines que l'on n'entend pas. La machine va percevoir ça. Ce sont ces micro-inflexions, ces micro-mouvements pour lesquels elle est plus forte que nous, dans cet aspect très spécifique. Elle sait faire que ça. Elle sait faire que ça parce qu'on lui donne la possibilité de le faire. Maintenant, travailler avec les voix, donc dans Her, on voit que ça a un impact fort. À l'heure actuelle, il y a des sociétés qui proposent des choses que je ne trouve pas éthiques. Moi, j'ai écrit ce livre, hein, Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités, pour parler de valeurs dans la société, de ce qu'on voulait, en fait, à travers ces machines. Or, je vois des sociétés capables de vous proposer des machines qui font parler les morts. Donc, la voix de quelqu'un qui est décédé, on peut l'apprendre, hein, comme on va apprendre du Mozart ou une musique. On apprend l'inflexion de la voix. Et on est très bien capable de lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Pour aller encore plus loin, vous avez vu qu'on a maintenant ces Google Home qui sont arrivés chez nous, hein, qui sont des espèces de Siri que vous avez dans la poche, là, sur votre téléphone. Donc, des objets communicants. Vous pouvez leur poser des questions sur la météo, etc. Ça ne dialogue pas vraiment. Une petite mémoire. Ok, Google. Mais ça peut venir. On ne sait pas quelles sont les capacités de ces machines. Et en plus, c'est sur le cloud. Donc, on peut changer à tout moment, hein, la société qui les met en œuvre peut changer à tout moment la façon dont la machine peut vous répondre et peut très bien vous manipuler, vous proposer finalement d'acheter des choses ou vous donner des conseils qui sont orientés avec un désir commercial. On ne l'évalue pas. C'est en ça qu'aussi il faut quelques règles de bonne conduite systèmes. Vous avez raison de dire que c'est pas bien de proposer ces produits, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'ils soient proposés ? D'ailleurs, ils le sont. C'est une question dont on va aborder. Mais je vais aller encore plus loin sur ces produits pour continuer sur mon idée de voix. Il existe à l'heure actuelle des systèmes qui sont proposés dans des publicités au Japon qui s'appellent Getbox, G-A-T-E-B-O-X. Je vous encourage à regarder sur YouTube ce que c'est. C'est un espèce de Google avec une fée clochette, un hologramme d'une jeune personne, là c'est une femme qui est représentée, mini, et qui dialogue avec la personne chez elle. La personne vit toute seule et cet objet communicant, agent conversationnel hologramme, participe à la vie de tous les jours, donne des conseils, il pleut, prend ton parapluie, mon chéri, etc., avec une relation affective. Et lorsque la personne s'en va au travail, elle continue. Toute la journée, elle envoie des textos pour savoir si ça va bien au travail, qu'elle attend la personne, etc. Donc, on remplit avec un objet attachant, entre guillemets, avec une capacité dialogique, sûrement pas énorme, mais existant déjà. C'est un jeu de rôle. Oui, sur un jeu de rôle de présence féminine à la maison. Donc, c'est affligeant d'imaginer que bientôt on pourrait être isolé des humains et finalement n'interagir qu'avec des choses comme ça. Hein. La même chose pour le sexe. Hein. On a des robots sexuels. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser le raisonnement en disant que ça ne marche, enfin, ces objets-là n'ont de succès que parce qu'il y a dans certaines sociétés un grand taux de solitude ? Si, sûrement. Mais est-ce la bonne solution ? Est-ce qu'on a anticipé les effets secondaires de ce genre d'outils, je ne pense pas. Et moi, je pousse vraiment pour qu'on ait des secteurs de recherche entiers sur la coévolution humain-machine. On est en train de faire des machines qui vont s'adapter à nous, qui répondent à des désirs primaires, comme ne pas être isolé, être assuré par cette espèce de oui-oui machine. Et pour autant, qu'est-ce qu'on va devenir après? Comment on va évoluer dans un cadre qui serait celui-là? Est-ce que, justement, ça va isoler totalement les humains des autres? Au contraire, ça va les rapprocher? Quel est le degré de solidarité qu'on peut avoir si la machine nous donne des conseils? Voilà, il y a énormément de sujets autour de la compréhension de l'intelligence collective qui sont importants à aborder. Ces machines ne travaillent... Alors, on va parler d'éthique et de morale aussi, mais en général, ces machines proposent des décisions ou rendent des avis sans qu'on sache dire comment elles ont raisonné. Tout à fait. Ce sont des boîtes noires. Et donc, on dit souvent, mais c'est pas grave, parce qu'il y aura toujours un humain pour juger de la décision finale. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut exercer son esprit critique vis-à-vis de machines dont on ne sait pas comment elles ont raisonné? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour les humains dès lors qu'on leur propose des résultats dont ils ne savent pas d'où ils ont pu sortir? Oui, alors là, c'est un vrai champ disruptif pour moi. Le fait que la machine puisse vous proposer et modifier son comportement en apprentissage, en interaction avec quelqu'un, et qu'on n'ait pas le moyen de savoir comment cela est possible. Donc ça laisse à entendre que derrière, on a une intelligence, une conscience. Ce qui est faux, parce que quand une machine reconnaît un chat, c'est parce qu'elle en a vu beaucoup, et on ne sait pas dire par quoi elle a reconnu un chat. Exactement. Et d'ailleurs, si je prends les chats et les lions, par exemple, on voit des effets, j'avais vu ça avec des collègues qui faisaient justement l'expérience au CEA, on pouvait voir la savane reconnue comme lion. C'est-à-dire que l'environnement était codé aussi avec la forme. Donc on a plein d'exemples comme ça. Et si j'enlève les pixels de l'œil du lion, eh ben il sera pas reconnu non plus. Alors que l'humain, il voit très bien que c'est un lion. Et quand je génère des formes à partir de ces systèmes qui ont appris, je peux me retrouver aussi avec des formes qui n'ont aucun sens pour la perception de l'humain et pour autant pour la machine qui sont classifiées avec un fort taux de reconnaissance. Donc ces machines apprennent extrêmement différemment de nous. Même sur ces performances extrêmes, elles sont extrêmement différentes. Il faut comprendre et faire comprendre cela pour qu'on soit en bonne complémentarité avec ces machines. D'autre part, le jeu de dire que ces machines vont devenir très intelligentes est extrêmement inapproprié. Parce que personne ne sait, personne, ni les Facebook, ni les Google, ni les derniers chercheurs en neurosciences ne savent réellement. On ne sait pas grand-chose sur l'humain encore. On ne sait pas le substrat de la pensée. On ne sait pas exactement quels sont les différents niveaux de conscience. On ne sait pas qu'on a des organes dans notre corps qui sont autonomes. On ne sait pas ce que c'est que le conatus. On ne sait pas ce que c'est que l'appétit de vie tel que décrit conatus de Spinoza. On ne sait pas Je comment... Je m'attendais à ce qu'il arrive, Spinoza, dans le débat. Ou Descartes, enfin les deux. Quand on travaille avec l'idée que Antonio Damasio fait un réel pont en avant lorsqu'il dit effectivement qu'on a besoin d'être émotionnel pour être rationnel, évidemment, on s'intéresse à Spinoza. Parce que Spinoza intègre bien cette dimension émotionnelle dans ce qu'est l'homme. Donc c'est en fait l'union entre le corps et l'esprit. Oui, il disait que peut un corps et personne ne le sait. Est-ce qu'on pourrait poser la même question à propos des robots? Que pourrait un robot? Personne ne le sait, ce que vous dites un petit peu. Vous dites que c'est exagéré de parler d'intelligence, mais vous n'excluez pas qu'un jour, il puisse l'acquérir grâce à des progrès dans la technologie, le codage, l'information, non, les données. Non, parce qu'en fait, la progression qu'on voit sur des champs très spécifiques... Est très lente. Ne laisse pas entendre, est très rapide, sur des très champs très spécifiques, mais ne laisse pas entendre qu'on sache faire une intelligence globale, qui prenne en charge tout ça. Là, c'est comme si on avait un énorme fossé. C'est pas du tout quelque chose de linéaire. C'est absolument tout sauf ça. C'est pas parce que les machines seront plus rapides qu'on y arrivera. Ça n'a rien à voir. Et pour moi, c'est quasiment impossible en fait. Alors il faut jamais dire ça. Un chercheur ne peut pas dire que c'est ça, quelque chose d'impossible. Mais c'est presque inconcevable parce que on n'a pas conscience en fait de cette discontinuité. On a l'impression que toute chose peut être expliquée petit à petit. Or, c'est pas parce qu'on sait faire une cellule artificielle qu'on saurait faire un ensemble de cellules stables, capables de créer quelque chose. Donc, il y a un énorme fossé de connaissances pour lequel on peut pas, pour l'instant, prétendre que on aura ces intelligences capables d'intuition, de désir, de plaisir. Mais si on fait des cyborgs, c'est-à-dire on hybride des machines et de l'humain et des neurones. Pourquoi pas imaginer ça? Et à partir de là, jusqu'où est notre humanité? À partir de quand on devient un robot? À partir de quand on reste un humain? Ce sont des questions qu'il faut se poser, effectivement. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors est-ce que, justement, vous parliez d'éthique tout à l'heure, est-ce que l'éthique ne commence pas dans la façon de dire, quand on est chercheur, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, ce qu'on envisage, plutôt que de faire des promesses ou de laisser entendre des avenirs qui ne sont pas du tout garantis? J'espère que je joue ce rôle-là. J'ai l'impression aussi, d'ailleurs, dans une des pages de votre livre, vous faites la distinction entre morale et éthique. Vous dites que la morale, c'est un ensemble de règles liées à un individu ou à un groupe social. L'éthique, elle, est un ensemble de règles plus universelles. Je ne sais pas si c'est une distinction qui fait autorité, mais vous rappelez la définition de l'éthique proposée par Paul Ricoeur. Je la cite, « Discipline. Alors, l'éthique est une discipline philosophique, pratique et normative, visant à indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir et être entre eux et envers ceux qui les entourent. L'éthique propose souvent des compromis afin de concilier règles morales, désirs et capacités. » Tout à fait, ce sont des compromis. Ce sont des compromis, mais ces compromis dépendent de la culture dans laquelle on se trouve. Tout à fait. Et vous aussi insistez en disant qu'il y a de grandes différences culturelles dans le rapport au robot entre le Japon et la France, par exemple, ou l'Europe. La mentalité japonaise, de ce point de vue-là, est plutôt animiste. La nôtre ne l'est pas du tout. Peut-être reste-t-elle un peu cartésienne, elle sépare l'esprit et le corps. Pour beaucoup, oui. Et est-ce que on pourrait tomber d'accord sur des règles universelles? Vous dites que l'éthique est plus universelle que la morale. Est-ce que des règles universelles pourraient borner l'activité de ceux qui codent les robots? Alors, j'ai une vision assez pragmatique, en fait, de l'éthique. Donc, je pense qu'à la fois, il faut des règles universelles qui sont reliées aux droits de l'homme. La pratique, c'est dans la définition. Pratique et normative. Tout à fait. Je le décline sur plusieurs phases. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un certain nombre de valeurs éthiques importantes pour le concepteur de ces machines. Donc une sorte de déontologie, de responsabilité des concepteurs. On n'a pas le droit d'apprendre à ce robot à insulter sa voisine. Ou son voisin. Autres. Il y a aussi un besoin d'émancipation. En américain, on dit empowerment, monter en capacité, et responsabilité des utilisateurs. Dès lors que la machine aura la capacité de s'adapter à quelqu'un, on pourrait faire « Franck le robot » est un film assez amusant où la personne âgée reçoit un robot pour l'aider et il transforme son robot en voleur. Troisième grand champ, et puis c'est surtout cette montée en capacité de comprendre. Et là, j'ai proposé en fait à la mission Villani et ensuite au gouvernement, puisque j'ai eu la chance de pouvoir être écoutée, de travailler sur des laboratoires ouverts au grand public, où des chercheurs travailleraient sur cette éthique by design. Donc quand on construit un robot social, un robot émotionnel, lorsqu'on construit ces agents conversationnels, est-ce qu'on peut pas montrer les différentes étapes? On le peut d'une certaine manière, et que les gens puissent expérimenter, les citoyens puissent expérimenter ces différentes formes avec des jeux, avec une réflexion philosophique, avec l'idée de mettre aussi l'art au centre de la façon de montrer ces différents systèmes pour des dystopies ou des utopies. Enfin, il y a énormément de champs qu'on peut exploiter pour faire comprendre comment seront ces machines. Et je pense que c'est le deuxième point important. Déontologie, émancipation. Le troisième, c'est qu'on puisse se munir d'outils permettant d'évaluer ces systèmes. Évaluer la transparence, l'efficacité, la loyauté, la non-discrimination de ces machines, hein, qui font encore beaucoup de différences entre les genres, par exemple, ou l'aspect de la couleur de la peau, ou d'autres choses. Donc, l'intelligence artificielle nous permet aussi de quantifier tout ça, et on pourrait espérer avoir des machines qui sont finalement meilleures que de recopier les stéréotypes qui existent dans notre société. Mais ça suppose une certaine forme de police, de contrôle. On va reparler de ce contrôle. Je dis ensuite qu'il faudrait une étude de la coévolution humain-machine, ce qu'on a discuté avant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement donner un label éthique à une machine à l'instant T, c'est dynamique, puisque la machine s'adapte, il faut continuer à contrôler d'une certaine manière, ou en tout cas comprendre que la machine s'adaptera à l'humain et l'humain à la machine. On voit d'ailleurs des répercussions physiologiques aussi. Hein. Si on compare les taximans qui londoniens, il y avait une étude comme ça, qui n'utilisaient pas le GPS, et ceux qui l'utilisaient après... Qui apprenaient par cœur les plans de la ville, qui savaient aller d'un point A à un point B de mémoire. Donc on peut vérifier que dans l'hippocampe, il y a une zone de mémoire plus développée pour les gens qui avaient à faire ce travail de mémorisation. Donc les machines, par paresse, vont nous donner beaucoup de facilitations diverses et variées. Est-ce que ça pourrait démuscler notre cerveau? Je pense qu'il faut en être vigilant. Quand vous parliez tout à l'heure de savoir prendre la distance par rapport à la décision de la machine, c'est ça. C'est-à-dire comprendre non seulement comment elle marche, mais comprendre aussi qu'on a besoin de stimuler cette faculté de coopération avec les machines. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de comités, de préconisations, mais je pense qu'on manque d'outils, on manque de nouveaux paradigmes pour concevoir ces systèmes éthiques, intelligents, en bonne connaissance, en intégrant le plus possible les citoyens dans ces décisions. Et je travaille sur ces aspects dans la CERNA, qui est une commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies en France, mais aussi dans I3E, qui est une société savante, qui a 400 000 membres, 160 pays, et je travaille avec des Japonais, des Chinois, des Brésiliens sur ces sujets, et notamment sur un sujet particulier qui s'appelle le nudging, qu'on connaît mal en France. Le nudging, c'est quoi? Nudge, c'est un coup de coude. C'est en fait une manipulation douce. Normalement, c'est pour notre bien-être. On a vu cela effectivement utilisé pour la politique, pour essayer de convaincre le plus possible de gens. C'est l'idée que le choix par défaut sera celui qu'on va prendre par paresse. Par exemple, sans parler donc d'informatique, l'informatique va amplifier ça. Pour l'instant, on ne donnait pas son corps à la médecine parce qu'il y avait une croix à mettre pour le donner. On a inversé ça. Du coup, on est tous très solidaires en ce moment. On donne tous notre corps à la médecine. Vous voyez, on peut changer juste les choix parce qu'il y a un choix par défaut ou parce qu'il y a quelque chose de plus attractif qu'on va prendre directement. Et donc, la façon dont on vous montre les différents aspects, qui n'est pas vraiment une manipulation parce que vous avez tous les choix, fait quand même qu'une grande partie de la population va plutôt aller vers la facilité. Et ça, il faut apprendre à coopérer avec ces machines, à comprendre ce genre de situation. Mais vous dites que vous travaillez avec des Brésiliens, des Chinois, des Japonais, ouais. D'autres. Est-ce que vous sentez des différences culturelles dans le rapport? Bien entendu. Est-ce qu'elles sont dépassables ou est-ce qu'elles sont vraiment ancrées dans des histoires inconciliables? Énorme. Je pense qu'il faut des adaptations à chaque fois. Il ne s'agit pas de niveler, il ne s'agit pas de standardiser tout ça. Ça serait terrible. On doit garder nos valeurs culturelles fortes. Et je pense qu'en Europe, on a cette force aussi du fait de notre diversité de langue et de culture pour aborder ces sujets déjà. Donc, il ne faut surtout pas niveler. Pour moi, il faut être capable de comprendre ce qui peut être universel et très peu, sans doute, très peu de choses sont génériques, si ce n'est les grands sujets des droits de l'homme, etc. Et puis, le reste doit être adapté à chaque culture pour qu'elle soit intelligible par les citoyens et utilisée. Laurence de Villers, cette émission n'est pas robotisable, ce qui ne l'empêche pas d'être programmée, et elle est programmée pour passer le second morceau de musique que vous avez choisi. Gershwin, je crois. C'est ça, du jazz. Laurence de Villers, vous avez choisi Gershwin. Encore du jazz. Oui, parce qu'on improvise énormément en jazz. ce qui n'est pas facile à reproduire, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y aurait un tropisme qui porterait les informaticiens, ceux qui s'intéressent aux robots, à l'intelligence artificielle, à aimer justement le jazz et l'improvisation qui le rend possible? Ça échappe à la programmation. Peut-être, mais de toute façon, c'est vrai dans toute chose. On va chercher à être complémentaire de ces objets. Donc on va chercher la créativité humaine là où elle est la plus intense, la plus différente, la plus intuitive. Voilà, c'est normal. Laurence de Villers, je voulais vous parler des femmes, parce que Mary Shelley a créé un personnage qui est un robot, Frankenstein, au milieu du 19e siècle, je crois. Et puis le premier robot qui apparaît au cinéma, c'est Maria, dans le film de Fritz Lang qui s'appelle Metropolis. Maria est un robot qu'on pourrait dire aujourd'hui très sexy, et qui parvient à duper des ouvriers aveuglés par ses danses efficacement suggestives. Or, dans l'intelligence artificielle, d'après ce que j'ai pu lire dans différents rapports, il y a très peu de femmes. Est-ce qu'on comprend cette situation? Est-ce que c'est un problème de formation, d'allergie, de réticence? Voilà, donc il y a plusieurs sujets dans le même sujet, qui est le rapport de l'IA et les femmes, ou l'IA numérique et les femmes, dont il faut parler. Effectivement, vous avez raison, il y a 15-20% de femmes dans les filières scientifiques, et dans les grands groupes, et dans parmi nos étudiants. Donc très peu de femmes s'intéressent à l'intelligence artificielle pour l'instant, parce que l'intelligence artificielle est présentée un peu comme quelque chose de geek, là, on fait de la programmation aveugle, et c'est très lié à un personnage masculin. Bon. Mais c'est tout sauf ça, parce que l'intelligence artificielle va irradier dans énormément de domaines, et a trait justement aux émotions, à la psychologie, va être utile dans la santé, va être utile dans différents sujets pour lesquels les femmes ont tout à dire, d'accord ? Il faudrait, à mon avis, une mixité, parce que c'est une sorte de biais, hein, l'invisibilité des femmes dans ce secteur. Elles apparaissent effectivement, à la fois, on trouve des femmes brillantes qui ont commencé des nouveaux langages informatiques ou qui ont été écrits des livres comme Frankenstein. Et puis, derrière, on voit pas de femmes qui développent des grands sujets ni qui viennent en parler. Et pour autant, on trouve plein d'objets. Hein, vous avez cité ce robot attirant. Il y a un marché sexuel du robot actuellement. Il y a effectivement beaucoup d'interrogations, parce que il est urgent de comprendre quelle est la représentation de la femme à travers ces machines, quels sont les différents rôles qu'on veut lui faire jouer. Elle s'appelle Amelia, Nina, Lola, etc. Et ce sont des agents conversationnels. Hein. Elles sont Sophia, donc dont j'ai parlé, ce robot qui a parlé à l'ONU et qui est citoyenne d'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui doivent être débattus. Il faut qu'il y ait une réelle mixité et il faut qu'on comprenne que cette représentation de la femme à travers les machines est également un sujet. Il faut éviter de recommencer les stéréotypes ou de les amplifier, hein, les stéréotypes qu'on a dans la société. L'impression qu'on a quand on regarde les choses de l'extérieur, c'est qu'ils sont amplifiés, justement. Et on pourrait dire, laissons l'intelligence artificielle se développer et ensuite prenons des mesures qui permettront de corriger les erreurs de trajectoire. Si je comprends bien ce que vous dites, il faut prendre plutôt les questions en amont, oui, et poser les questions éthiques avant de faire des développements qui iraient dans le mauvais sens. Oui, par exemple, on a des chercheurs de Nouvelle-Zélande qui disaient, en 2050, le quartier chaud d'Amsterdam sera l'affaire de prostituées robotisées qui n'auront pas d'infections sexuellement transmissibles. On a entendu aussi des propositions de robots qu'on pouvait violer. Donc, est-ce que l'image de la femme va être respectée à travers ces différentes situations, ou est-ce qu'au contraire, on va pas aller vers une surenchère de déviance avec ces objets mécaniques dont on pourrait faire n'importe quoi? On le sait très bien que on est empathique vis-à-vis de machines que l'on maltraite. Ça a été montré suffisamment. Vous regardez la vidéo de ce robot qui est poussé par un ingénieur et qui tombe, malheureusement, on a de l'empathie pour le robot qui vient de tomber. De la même façon qu'on n'admet pas qu'une petite fille détruise sa poupée. Donc toute la représentation humaine faite à travers ces robots a un impact sur notre construction. Mais l'affaire est compliquée. Vous dites qu'on peut avoir de l'empathie pour un robot et en même temps, on peut se dire... C'est un robot, donc je peux faire avec lui des choses que je ne ferais pas avec des humains. Mais c'est pas vrai. L'humain, là, il est derrière. L'humain est représenté aussi de façon sémantique, derrière, finalement, cette machine humanoïde. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Il faut élaborer autour de ces représentations et comprendre bien qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus avec cette représentation, parce que ça a des effets secondaires. Mais ça veut dire qu'on ne pourrait pas jeter son ordinateur, par exemple, par la fenêtre? Ça serait considéré comme un sujet de droit? J'ai pas dit ça. Je pense pas qu'il faut apporter une personnalité juridique au robot ni à l'ordinateur. C'est pas le propos parce qu'il est pas responsable. Il est fait par d'autres personnes. Je dis juste qu'il faut faire attention à la façon de faire ces objets qui représentent une certaine humanité, qui sont doués d'une certaine intelligence et pour autant qui sont ni humains ni intelligents. Ces objets-là, on les conçoit et on peut les concevoir avec différentes règles. À la CERNA, par exemple, dans le rapport sur la robotique et l'éthique, recherche sur la robotique et l'éthique qui a été rendue en 2014 au ministre de l'époque, eh bien, on disait, en Europe, il serait souhaitable qu'on ait une frontière claire entre ce qui est artefact et ce qui est vivant. Donc, entre ce qui est artificiel et ce qui est vivant. Peut-être que ça pourrait être une règle. Est-ce que ça suppose de comprendre ce qu'est la vie, au fond, de pouvoir la définir, la caractériser d'une façon sûre? Alors, le test de Turing. Voilà, test de Turing, mais. Nous montre bien que il y a la perception qu'on en a et la réalité. D'accord? Donc, s'il y a ambiguïté, donc perception pouvant être trompée, peut-être que c'est là où il faut se dire, attention, cet artefact. Comme vous l'avez dit au départ, dans le chapeau de cette émission, je suis obligée de remplir que je ne suis pas une machine. Si, quand je prends mon téléphone, je dois absolument me demander est-ce que c'est un humain ou c'est une machine, la société va être chamboulée par l'arrivée de tous ces agents artificiels. Donc, il faut se demander comment on va réagir avec ces machines, quelle relation on aura avec elles. Un journaliste me posait la question cet été, coucher avec un robot, est-ce trompé? Non mais il faut revenir, je caricature exprès pour qu'on comprenne bien que ça va impacter tout. Tomber amoureux des machines qui ont aucun désir propre ni sentiment, ça risque d'être d'un appauvrissement terrible dans la société. Appauvrissement des émotions, des relations, de la solidarité, de ce qui fait notre humanité, ce qui fait notre richesse. Alors tout à l'heure, Laurence de Villard, vous incitez sur le fait que beaucoup de robots ont été associés à des coups de bluff. On a... Ouais. Exagéré leur performance ou menti sur leur façon de fonctionner. Est-ce qu'inversement, il y a des robots qui vous ont impressionné? Oui, qui existent. Qui vous êtes dit, tiens, oula, c'est impressionnant, j'avais pas prévu ça, il fait des choses que j'avais pas imaginées. En fait, ils font des choses que j'aurais pas imaginées de façon très pointue. Comme je disais tout à l'heure, sur la perception ou sur même un robot, il y a un robot par exemple qui montre très bien en fait la différence entre l'humanité et la robotisation des gestes et pour autant qui est déjà assez intelligent parce qu'il sait s'adapter tout seul. C'est un robot qui fait des crêpes. Donc il y a un bras de robot, il a même pas de tête. Il a une poêle et puis une fausse crêpe, hein, sinon il mettrait partout. Et il essaie de faire sauter sa crêpe. C'est difficile de faire sauter une crêpe, on le sait tous. Hein. Alors c'est un exemple qui est donné par des roboticiens de l'Institut Linria Flowers qui sont travaillent sur cette curiosité et cette idée que le robot pourrait apprendre tout seul. Alors il apprend avec sa crêpe et d'un seul coup il trouve le bon geste. Et tac, tac, tac, ça devient immédiatement très bon à chaque fois. Et ça marche à tous les coups. Voilà. Mais c'est pas drôle. Bah, vous changez la poêle, la crêpe et ça recommence. C'est laborieux. Il apprend lentement. Personnellement, j'étais impressionné par Erika. Vous connaissez ce robot humanoïde qui présente le journal télévisé au Japon? Oui, alors avec des petits sourires, Ishiguro aussi a son clone hein, qui peut être très impressionnant. Mais et puis d'autant plus que maintenant, alors qu'il était téléopéré jusqu'à présent, ils sont en train de mettre en œuvre toute une intelligence artificielle d'agents conversationnels dans ce robot, qui va être encore plus bluffant. Alors ils mettent des petits clins d'œil, comme vous dites, des micro-expressions qui font que ça le rend vivant. Puisqu'on est, en fait, étrangement, on est vivant parce que même son épaule est vivante, même sa main est vivante. Tout en nous est vivant. Et tremble ou fait des petits gestes dont on n'a pas conscience. Et ces machines, des professeurs comme le professeur Ishiguro, a mis donc des espèces de cycles un peu aléatoires de tous ces petits trucs qui viennent laisser à penser que la machine est en vie. Ça, c'est les informaticiens élaborent ce genre de choses. Donc on veut créer l'impression d'une vie artificielle. Pour certains, c'est un des buts. Pour d'autres, c'est plutôt l'utilité. Moi, je serais plutôt pour axer vers l'utilité plutôt que le gadget. Et la claire différence entre ce qui est robotisable et utile pour aller plus loin et pour répondre à des challenges économiques, des challenges de société, plutôt que d'être dans la reproduction de l'humain qui pose toutes ces questions de qui sommes-nous. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors justement, on a beaucoup parlé de robots et emplois pendant la campagne présidentielle. Ouais. Est-ce que vous connaissez les métiers qui sont les plus menacés? Est-ce qu'on a raison de dire que c'est ceux qui sont déjà un peu robotisés On a segmenté les tâches humaines de sorte qu'elles sont faciles à répéter par des robots, à reproduire. Est-ce que nos comportements vont avoir tendance à se simplifier pour que des robots puissent nous remplacer? Ou est-ce qu'au contraire, on va garder, nous, des tâches extrêmement compliquées, infaisables par des robots? On va garder... D'abord, c'est une question de choix de société. Hein. Donc, on n'est pas obligé de tout robotiser, même si c'est robotisable. Donc, il faut comprendre la place de l'humain dans cet ensemble. Je pense que c'était cet équilibre qu'il faut chercher. Et puis, on a dit que, par exemple, on allait remplacer les conducteurs de camions, de véhicules publics, dans un premier temps. Et je pense que faire des trains comme ça, de voitures ou de camions, c'est pas idiot. D'un point de vue de l'énergie, hein, parce que derrière tout ça, il y a aussi le respect de la planète, l'écologie. On va pas faire des machines pour rien faire. Si c'est juste du gadget qui pompe de l'énergie, je pense qu'on a mieux à faire. Donc c'est ça le tri qu'il faut aussi comprendre. Faire des machines pour que des personnes âgées qui ne voient plus bien, etc., puissent continuer à être autonomes, c'est utile aussi. Si on arrive à faire baisser le nombre de victimes réellement sur ces sujets, je pense que c'est un intérêt pour la société. Et à partir de là, que certains emplois disparaissent, d'autres vont émerger. Énormément, parce que on aura besoin de former. L'information, ça va être un grand champ d'application. On aura besoin de monter en compétence sur la programmation, les concepts qui sont derrière, mieux comprendre comment les utiliser. Donc il y a un énorme besoin de nouveaux métiers dont on ne parle pas assez. On parle toujours de qui on va remplacer. Mais moi j'aimerais bien qu'on parle de quels vont être les nouveaux sujets. Et c'est en cours, puisqu'on a bien vu des annonces du gouvernement pour des nouvelles formations un peu partout. Donc on va monter en compétence sur tous ces sujets-là. Est-ce qu'il devient urgent pour les jeunes d'apprendre à coder, par exemple? Apprendre à coder, c'est pas forcément faire des codeurs. Il faut rester, au contraire, sur cette intelligence que n'a pas la machine. Donc de créativité, de distance, de compréhension des biais, de compréhension de ce que c'est que ce qui est désirable, toute l'intelligence de l'humain qui est de sauter d'un sujet à un autre en ayant compris grâce à son éducation, à ce qu'il a lu, à la philosophie, qu'est-ce que pourrait être cette théorie si on l'appliquait à autre chose. Ça, la machine en est tellement loin que on a un large champ sur lequel il faut travailler, philosophie, mathématiques, sur la langue. Il ne faut pas appauvrir notre langue et les langues en général. Mais est-ce que les machines ne nous simplifient pas? Enfin, Jean-Michel Beignet, un philosophe que vous connaissez bien, a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'homme simplifié ». Dans lequel il expliquait que les machines nous obligent, par la simplicité de leur vocabulaire, à appauvrir nos façons de dire. Le sous-titre, je crois, c'était le syndrome de la touche étoile. Oui, le syndrome de la touche étoile que j'ai lu, je connais très bien ce grand philosophe. Mais c'est à nous de décider ça. Hein. C'est-à-dire que les machines sont de plus en plus sophistiquées et par rapport à ça, il ne faudra pas se résoudre à juste simplifier notre vie hein, par paresse. Il faut comprendre en fait et apprendre aux enfants très tôt qu'est-ce que sont ces systèmes, comment on joue avec et comment on les continue à les surveiller et continue à les modifier, à amplifier ce qu'il pourrait nous apporter et à éliminer ce qui est à risque. Donc, c'est entre les deux. Voilà, faut comprendre les risques, comprendre les attentes. Mais est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel les robots auraient des comportements qui nous deviendraient complètement illisibles? Non. Pourtant, c'est un peu le cas avec les marchés financiers qui sont en partie robotisés. Il y a des logiciels qui gèrent les transferts et sans qu'on comprenne très très bien ce qui déclenche leur action. Alors, moi, je vais vous parler de taille de Microsoft. On n'a pas compris non plus. Taille de Microsoft, c'est un agent conversationnel qu'on met sur Twitter qui, au début de la journée, dit « Les humains sont formidables ». À la fin de la journée, il dit « Vive les nazis, Hitler était formidable ». Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Des internautes malveillants, exprès, ont joué avec et ont envoyé des phrases comme ça. Autour du nazisme, autour de la guerre, autour de choses qui sont non politiquement correctes. Et la machine, qui avait en son sein un système d'algorithme qui apprend par renforcement, avec un mécanisme de récompense, avait comme récompense l'engagement. Plus la personne parle, plus je vais lui parler de ce sujet qui a l'air de marcher. Okay. Donc ça, c'est un effet second de l'algorithme qu'on a mis en place, qui fait que la machine, toute seule, a appris que parler du nazisme, ça faisait parler les gens. Donc c'est ça qu'il faut étudier. Ce sont ces effets secondaires qui, pour l'instant, ne sont pas magiques, qui sont juste le besoin de travailler sur cette coévolution humain-machine en comprenant que c'est ces systèmes dynamiques qu'il faut étudier. Non seulement les biais et les données, ça c'est déjà très bien. La RGPD, c'est une grande avancée et les Américains nous envient déjà ce genre de choses. Donc il ne faut pas penser que c'est un frein, même si à court terme, il nous semble que travailler sur l'éthique des données va ralentir un peu. Je pense que c'est vraiment court-termiste et à long terme, on est gagnant. Mais en vous parlant de malveillance, on pourra difficilement l'éliminer. Il y aura toujours des entreprises malveillantes qui oui. chercheront à manipuler les robots, donc les humains. Bah c'est en cela qu'il faut muscler nos règles. Mais oui, on peut aussi parler de la guerre, on parle des drones, etc. Mais il y a un philosophe qui s'appelle Nolan Kurtz qui disait « la guerre n'est juste que si ceux qui la mènent la font malgré eux ». Est-ce que cette tension ne pourrait pas disparaître avec des machines ? Est-ce qu'on ne pourrait pas déléguer à des machines l'art de faire la guerre ? Mais on fait la guerre informatique, là. On ne fait pas la guerre sur le... Hein ? On est en train de faire une guerre économique. Mais on peut aussi parler de la guerre avec des drones militaires, par exemple. C'est un autre sujet, cette guerre de terrain avec des drones. C'est l'armée a ses modes de fonctionnement, son éthique propre, c'est autre chose. Donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais par contre, il y a une guerre économique sur le marché de l'IA et des machines qu'on est en train de construire, certes. Par exemple, quand Lee Sedol est battu par cette machine AlphaGo, cette machine elle est faite par des anglo-saxons. Et je vous dis que en face, le monde asiatique, japonais, Corée, Chine... prend une vraie claque là, hein, parce que c'est un jeu qui est un jeu culturel, intelligent, qu'on joue dans l'élite de la population, et d'un seul coup ce jeu est entaché hein, de cette victoire faite par des ingénieurs anglo-saxons, et c'est aussi un des moteurs qui fait qu'ils mettent beaucoup d'argent après pour battre cette machine. C'est une sorte de guerre. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait devenir esclave de ce dont on est le créateur ? Oui, alors les mythes qui sont derrière, nos fantasmes, voilà, le golem, Frankenstein, qui est que exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on cherche à faire une machine autonome, intelligente, qui au bout d'un moment nous échappe et devient donc néfaste, rebelle, etc. Alors, on le trouve dans tous les films, Westworld. Mais il y a aussi des grands penseurs qui alertent sur le fait que l'intelligence artificielle est une menace pour l'homme. Est-ce que vous croyez à ça ? Quel grand penseur ? Bah, Hawking, par exemple. Oui, alors Stephen Hawking est un cas un peu particulier parce qu'il a toujours utilisé la technologie, hein, il utilisait la synthèse vocale pour parler, et c'est quelqu'un qui a bénéficié de toutes ces avancées d'intelligence artificielle, mais pour moi il est sur des années-lumière de raisonnement et il est sur la philosophie très lointaine. Et pour moi, c'est pas du tout la même valeur, ce qu'il a dit sur l'IA, par rapport à ce que vont dire des Elon Musk ou des Kurzweil. Qui sont des gens qui sont dans la technologie, dans le marché, qui cherchent à faire peur, je pense, quelque part, pour aussi engager un pouvoir, une économie forte autour des sujets qui les intéressent. Merci Laurence de Villers, nous avons traité beaucoup de questions, il y en a beaucoup d'autres. J'espère que vous avez raison et que l'intelligence artificielle viendra démentir son anagramme qui est « Ici finit l'étincelle allègre ». Merci, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Julien Douminc et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.